Conte de fées en français. La dernière feuille. Il y a très très longtemps, la ville de Florence dut faire face à une grande crise. La rue des Arts avait perdu la foi en son art. Les peintres et les artistes qui autrefois avaient animé l'esprit de ce quartier détournaient désormais leur tête des tubes de couleur. La raison à cela était la pauvreté. Tout le monde adorait l'art. Mais les artistes et les peintres étaient trop peu payés. Lentement, les rues perdirent leur éclat. Les parents retirèrent les couleurs des mains de leurs enfants. Les peintres commencèrent à prendre des emplois classiques dans le voisinage pour pouvoir gagner leur vie. En ces temps si difficiles, seule une poignée d'artistes eurent le courage de continuer la pratique de l'art qu'ils adoraient. Deux de ces artistes étaient Sue et John C. Sue et John C. n'étaient pas seulement de grands peintres. Elles étaient aussi meilleures amies. Elles réalisaient des peintures qu'elles vendaient à des magazines. Elles ne gagnaient pas beaucoup, mais étaient heureuses de pouvoir exercer leur passion. Des deux amies, Sue était une forte tête et une femme pratique. Elle travaillait dur et faisait face à tous les problèmes avec grâce. Au contraire, John C. était toujours angoissé pour l'avenir. Sue et John C. avaient un voisin qui s'appelait Monsieur Berman. Aujourd'hui, Monsieur Berman était un vieux monsieur, mais il était plein de vie. Il peignait tout ce qu'il voyait. Les bancs au bord de la route, les marches de son immeuble et même les arbres. Il était l'un de ces rares peintres qui essayaient de garder vivant l'esprit artistique du quartier. En tant que peintre, Monsieur Berman aidait souvent Sue pour son travail. Et ici, si tu rajoutes juste une ombre derrière cet objet, ça aura l'air presque réel. Oh! Monsieur Berman, quel artiste talentueux vous êtes! Vous devriez mettre en vente toutes vos toiles! Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ferais de tout cet argent? Je vis seul et j'ai peu de dépenses. Les gens de cette ville devraient comprendre qu'on ne fait pas toujours tout pour de l'argent. Il ne faut pas arrêter de faire ce qu'on aime pour de vrai. Tout se passait bien, jusqu'à un jour. John C. tomba gravement malade. Malgré tous les traitements du médecin, John C. ne guérissait pas. Elle va se rétablir, n'est-ce pas? Eh bien, je lui ai prescrit des médicaments. Mais, Sue, il te faut la convaincre de rester positive. La plupart de nos problèmes et de nos maladies ne partent pas à cause de nos pensées négatives. Elle ne guérira que si elle souhaite vraiment guérir. Sue fit tout son possible pour que John C. soit heureuse. Elle lui cuisina ses plats préférés, lui raconta des blagues et ramena des fleurs pour égayer sa chambre. Mais rien n'y faisait. Je ne crois pas que je vais aller un jour mieux, Sue. Je me sens vraiment mal que tu dois faire tout le travail et que moi, je dois rester allongée tout le temps. John C., tu es mon ami. Je ferai tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Bonjour les filles. Je ne vous dérange pas au moins. Oh, bonjour Monsieur Berman. Alors, comment va notre petite John C.? Pas facile. Oh, John C., tu vas aller mieux, garde la foi. Je ne me sens pas très bien, Monsieur Berman. Ça me fatigue de me sentir faible. Oh, mon enfant, la faiblesse, c'est dans ta tête. Oui, Sue m'a raconté ce que vous lui avez dit. Écoute, si on veut, alors tu peux. Ou un truc comme ça. C'est quand on veut, alors on peut. Je suis d'accord. Dites-nous, Monsieur Berman, qu'est-ce que vous peignez exactement en ce moment? Oh, je peins sur le thème de mon rêve perdu. J'ai fait une peinture de cette rue dans laquelle nous vivons. J'essaye de montrer ce qui se passe quand les peintres et artistes sont dehors dans la rue et qu'ils font ce qu'ils préfèrent dans la vie, de la peinture. C'est un rêve impossible à réaliser. Cela n'arrivera jamais. Eh bien, C'est ça qui est beau. Vous pouvez rêver de tout ce que vous aimez. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'essayerez jamais de rendre les choses réelles. Je suis certain que mon art sauvera des vies un jour. En tout cas, je veux trouver un moyen de le faire. L'art est vraiment très puissant, mon enfant. Une œuvre d'art très puissante peut parfois faire ce que les médecins n'arrivent pas à faire. Tout ce qu'un artiste a à faire, c'est rester positif et garder la foi. Allez, Chauncey, ne sois pas si triste, enfin. Qu'est-ce que tu regardes, Chauncey? Le lierre grimpant qui pousse sur ce mur. C'est la seule chose qui me rend un peu heureuse. C'est bien alors, non? Oui, oui, mais la plante aussi me laisse tomber, vous savez. Quand je l'ai vue la première fois, elle avait 10 feuilles et maintenant plus que 7. Je perdrai tout espoir quand la dernière feuille sera tombée. Oh! Mais c'est terrible de dire ça, Chauncey! Ne lui crie pas dessus, Sou! Quand quelqu'un est déjà triste, lui crier dessus lui fait encore plus de mal. Et Chauncey est malade. On ne sait pas ce qu'elle ressent vraiment en ce moment. Ah, vous avez raison, Monsieur Berman. Je suis désolée, Chauncey. Chauncey n'était pas fâchée. Elle se sentait coupable vis-à-vis de son amie. Quelques jours passèrent encore et la santé de Chauncey empira. Le médecin ne pouvait rien pour elle, car elle avait arrêté de prendre ses médicaments. Sue demandait sans cesse au médecin un autre type de traitement, mais il répondait toujours « Il faut qu'elle soit plus forte dans sa tête. Oh. » Une fois, quand Sue entra dans son immeuble, elle croisa M. Berman. Il était trempé. Monsieur Berman, est-ce que ça va? Que s'est-il passé? Ce n'est rien, mon enfant. Je vieillis, voilà tout. J'ai peint les bancs du parc aujourd'hui. Tu sais, ceux qui sont sous le toit. Attendez, vous êtes en train de parler des bancs sous le toit dans le parc? Mais enfin, il y en a au moins 20 comme ça. Vous les avez tous peints? En un seul jour? Mais c'est beaucoup trop de travail. Et comment vous êtes-vous retrouvés tout mouillés? Ils sont tous abrités sous le toit. Oh, eh bien, j'ai oublié d'apporter mon parapluie pour le chemin. Comme j'ai dit, je me fais vieux, c'est tout. Oh, Monsieur Berman, vous savez, tout le monde tombe malade en ce moment. Vous devez prendre soin de vous. Vous avez de la fièvre? Vous n'avez pas bonne mine. Je dois vous appeler un médecin? Oh là là! Tu poses trop de questions, mon enfant. Quand je peins, je suis l'homme le plus heureux du monde. Rien ne peut m'atteindre ou me faire du mal. L'art, c'est toute ma vie. Raconte-moi, comment va Chauncey? Ah, pas génial du tout. Vous vous souvenez du lierre dont elle a parlé? Il ne lui reste que 4 feuilles. Elle n'arrête pas de fixer cette plante. J'espère que la dernière feuille ne tombera pas, Monsieur Berman, vraiment. Chauncey va perdre tout espoir, sinon. Non, on ne peut pas laisser ça arriver. Il pleut des cordes aujourd'hui, dis donc. Je suis sûre que le vent va emporter toutes les feuilles. Comment quelqu'un peut empêcher la dernière feuille de tomber de sa branche, vous savez ou pas? Eh bien, Sue, quand on veut, alors on peut. Là, tout de suite, je ne veux pas, donc je ne peux pas. Je vais aller voir Chauncey. Monsieur Berman, s'il vous plaît, allez voir un médecin, d'accord? Très bien, mon enfant. Passe le bonjour à Chauncey pour moi. Cette nuit-là, un orage frappa la ville. Tout le monde dans la rue des Arts ferma ses fenêtres et s'enferma à l'intérieur. Mais Chauncey voulut que Sue ouvre la fenêtre. Elle voulait voir si la dernière feuille était tombée. Mais Sue refusa. La santé de Chauncey pouvait s'aggraver si elle ouvrait la fenêtre et laissait entrer le vent violent. Chauncey acquiesça. Mais elle ne se doutait pas que Sue était elle aussi inquiète à propos de la dernière feuille. Le lendemain matin, le soleil était revenu. L'orage était passé. Sue savait qu'il lui fallait maintenant ouvrir la fenêtre. Combien de temps pouvait-elle encore la tenir fermée? Elle ferma les yeux en ouvrant les rideaux. Quelle surprise! Oh! Johnsy! La dernière feuille est encore là! Quoi? Mais c'est impossible! Comment elle peut encore tenir? C'est la volonté de la feuille, Johnsy! Tout juste comme M. Berman l'a dit! Tu as raison! Oh, Sue! Donne-moi mes médicaments! Si une feuille minuscule peut braver un orage, pourquoi pas moi aussi? Je vais trouver le moyen de guérir! Oh, Johnsy! Je vais te chercher tout ce que tu voudras! Dis-moi, de quoi as-tu besoin? L'art est très important, mon enfant! Une œuvre d'art puissante peut parfois faire tout ce que les médecins ne peuvent pas faire. Je sais ce que je veux. Apporte-moi une toile, des pinceaux et des couleurs. Le bonheur de Sue était sans limite. Elle se dépêcha de ramener toutes les peintures de couleurs qu'elle avait. Elle installa la toile sur le lit de Johnsy. Sue était heureuse de retrouver son amie. Du temps passa et Johnsy guérit complètement. Le médecin comme Sue furent très surpris. Elle ne parla plus jamais de combien elle s'était sentie faible ou de ce qu'elle ne pouvait plus faire dans la vie. En fait, elle parlait avec Sue de ses nouveaux rêves. « Je veux peindre le London Bridge !»« Ah Je suis sûre que tu le feras un jour !» Où est Monsieur Berman, Sue? Je ne l'ai pas vu depuis un bon moment. Ah, je suis contente que tu le demandes, Johnsy. Je voulais te le dire seulement une fois que tu serais guérie. Monsieur Berman n'allait pas bien. Son grand âge l'a rattrapé. Tu te souviens de cette nuit d'orage? Il est tombé gravement malade le matin même. Quoi? Et il est allé voir le docteur, n'est-ce pas? C'était le truc avec M. Berman. Je me souviens qu'il disait que quand il peignait, rien ne pouvait l'atteindre. Que veux-tu dire? Regarde la dernière feuille sur le mur, Johnsy. Elle est toujours là. Elle n'a pas bougé d'un pouce. C'est parce qu'il l'a peinte cette nuit-là. C'est vraiment un peintre extraordinaire. Il a commencé à trembler le matin en question. Et on l'a fait transporter à l'hôpital. Je l'ai vu hier. Il était si content. Il s'est apaisé quand je lui ai dit que tu étais guérie. Je lui ai dit que la dernière feuille du lierre grimpant t'avait donné de la force. Et il est mort, Johnsy. Non! Oh non! Mais Johnsy, tu l'as aidé à réaliser son rêve! N'avait-il pas dit un jour que son art sauverait des vies? Regarde cette dernière feuille. C'est son œuvre et elle t'a sauvé la vie. Non, Sue. Ce n'est pas juste de l'art. C'est un chef-d'œuvre et je vais réaliser son rêve aussi. Très vite, l'histoire de la dernière feuille et de M. Berman se répandit en ville. Les peintres, les poètes, les danseurs, les chanteurs, tous les artistes retrouvèrent l'inspiration. Ils se rassemblèrent sous le lierre grimpant et firent la promesse de ramener l'art dans la rue des arts. Et c'est ce qu'il arriva. Le quartier retrouva la vie d'avant. Il y avait des peintures sur tous les murs et sur des gens aussi. Johnsy et Sue réunirent leurs économies et commencèrent à enseigner la peinture dans une classe qui prit le nom de « Cours Berman ». Les parents envoyaient leurs enfants apprendre l'esprit de la vie là-bas. Tout le monde se remit à peindre. Ils ne mirent pas fin à leurs autres emplois, mais reprirent du plaisir à travailler maintenant qu'ils savaient qu'ils pouvaient continuer à peindre quand ils voulaient. Quant à Johnsy et Sue, eh bien, les gens de la rue des Arts furent soulagés d'avoir de la couleur à nouveau dans leur vie grâce à elles. Tout le monde réalisa combien l'art était important et les gens décidèrent de faire don d'une partie de leur salaire au cours Berman. Très vite, le cours Berman grossit et devint l'Institut Berman.